France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. Andrew Warhola, né le 6 août 1928 à Pittsburgh. Enfant d'immigrés slovaques d'origine modeste, il obtient un diplôme aux Beaux-Arts en 1949 qui lui ouvre la voie d'une carrière de dessinateur publicitaire à succès. Le 22 février 1987, le maître du pop art Andy Warhol décède à New York des complications d'une opération de la vésicule biliaire. Son corps, martyrisé par la vie et les abus, n'a pas tenu le choc. Martyrisé est le mot juste, car le 3 juin 1968, quelqu'un va vouloir le tuer. C'est cette histoire que Anna Baron et Vincent Deck vont vous raconter tout de suite dans le premier épisode. We know, don't fire it, no! Valérie Solanas, premier épisode, dans l'ombre d'Andy Warhol. Un documentaire de Anna Baron et Vincent Deck. Why did this happen? Because he's a piece of garbage. What did he do to you? Well, let's say, you know my organization, Scum. You know, he wouldn't want anything to control Scum. Yeah, we wanted Scum and we got it. You know, he may die. Good. Why do you hate him so much? Because he's him. He gave you a part in one of his movies. Big deal. I didn't ask for it. He asked me to do it. What do you think's going to happen to you now? I have no idea. I don't care. I'm looking forward to going to jail because there's nothing out here but f***ing garbage. Le 3 juin 1968, Valérie Solanas rentre dans l'histoire. Elle vient de tirer sur Andy Warhol. Alors qu'il est entre la vie et la mort, Solanas se rend à la police et déclare comme seule défense « Lisez mon manifeste, il vous dira qui je suis ». Devant les journalistes, elle assume son acte et dit avoir agi au nom de son organisation qui porte le nom de Scum. Scum, c'est le mot anglais qui désigne la boue et l'insulte qui qualifie l'ordure. C'est le nom qu'elle a donné à son manifeste, un pamphlet féministe qui déclare la toute-puissance des femmes et s'en prend violemment au sexe masculin. La violence du geste est dictée par sa folie, mais sa nécessité est artistique. Car si elle a choisi de faire feu, c'est pour diffuser son œuvre. Alors que Warhol en réchappera miraculeusement, Valérie Solanas restera dans l'histoire la femme qui a tiré sur Andy Warhol. Pourtant, derrière cet acte se cache une des voix les plus radicales du féminisme. Cette femme, qui fut tour à tour chercheuse en biologie, dramaturge et prostituée, ouvre une voie pour la colère des femmes. Ouvertement queer et résolument révolutionnaire, Valérie Solanas sort peu à peu de l'ombre pour reprendre sa place dans l'histoire des femmes. Valérie Solanas was a very complicated figure. Brian Faz, biographe de Valérie Solanas. Valérie Solanas est une figure très complexe. Elle a une complexité qui n'a jamais cessé de fasciner les gens à travers le temps. Il est certain qu'elle a été très affectée par sa folie, mais elle avait aussi une façon géniale de voir à travers le temps et d'imaginer le futur. C'est une figure de la contradiction, un symbole de la rage féminine. C'est le genre de personne qu'on a jeté dans les poubelles de l'histoire, alors même qu'elle est très importante dans l'histoire du féminisme et dans notre construction en tant que femme. Il y a un intérêt dans son histoire biographique, mais je ne pense pas que ça explique toute sa complexité. Les gens aiment voir son passé d'abus et son enfance comme un moment déterminant, mais je ne pense pas que ce soit l'unique façon de raconter son histoire. Je pense qu'on doit aussi la regarder comme une femme ambitieuse et intelligente. Elle voulait être éduquée, elle voulait aller à l'université, elle voulait être diplômée. Elle grew up poor and she grew up in a family where, you know, there was a lot of disruption in terms of her parents' marriage splitting. Elle grandit dans la pauvreté et dans une famille dissolue. Ses parents ont divorcé, le père était un barman d'Atlantic City connu pour être colérique. La mère s'est remariée à un homme appelé Brad Moran. Elle grandit donc avec un père et un beau-père et il y a de bonnes chances de penser qu'elle a subi de nombreux abus sexuels. But again, she grew up with a lot of mais elle grandit avec beaucoup de cran et d'insolence. Elle avait un vrai sens de l'injustice sociale très jeune. Et elle se battait toujours avec des gens qui embêtaient les filles. Elle naît dans les années 30. Ce ne sont pas des comportements habituels pour les filles de l'époque. Et elle a toujours été une intruse, une anomalie. Elle avait une très grande ambition. Une part de sa tragédie, c'est d'avoir eu deux enfants avant l'âge de 16 ans. Elle a fini par accepter de donner l'un d'entre eux à une famille qui a payé ses frais d'inscription à l'université. Durant ces années d'études, on a pas cessé de lui dire que les femmes n'avaient pas les mêmes opportunités que les hommes, ce qui a créé beaucoup de frustration et de colère. Elle est ensuite rentrée dans une école supérieure assez prestigieuse en psychologie. On lui répétait que toutes les bourses étaient réservées aux hommes, car on attendait des femmes qu'elles se marient. C'est une vraie tragédie en soi, mais ça parle de tous les échecs que doivent affronter les femmes ambitieuses et intelligentes, et la vie de Valérie Solanas incarne toutes ces difficultés. Sometimes I feel so unhappy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so unhappy. But mostly you just make me mad. Elle déménage à New York au moment où elle décide d'abandonner ses études à l'université. Et c'est un déchirement pour elle, parce qu'elle s'était imaginé devenir une grande chercheuse en biologie, un véritable rat de laboratoire. Donc elle abandonne sa carrière académique et décide de tenter sa chance à New York, où elle découvre ce monde de bohémien, ce monde de drag queen, des gays, des lesbiennes, qui pouvait être ouvertement eux-mêmes. Elle n'avait jamais connu ça, et pour elle, c'est devenu une drogue. Elle le décrit constamment dans ses lettres. Ça lui importait d'être dans un lieu où elle pouvait être ouvertement elle-même, être ouvertement queer, mais aussi fréquenter des gens de la contre-culture. Elle s'entourait de gens qui philosophaient, écrivaient de la poésie, de la musique, qui vivaient au Chelsea Hotel, toutes ces choses que New York pouvait offrir au milieu des années 60. Celui qui règne en maître sur ce monde bohème, c'est Andy Warhol, le roi du pop art. L'inventeur du concept de superstar incarne aux yeux du monde le pouvoir, la réussite et l'argent. Tout le monde veut approcher son royaume qu'il a baptisé la Factory. Au cœur de Manhattan, de la 47e rue au dernier étage du 33 West Union Square, l'usine tourne de jour comme de nuit. Dans ce grand espace vide aux murs couverts de feuilles d'aluminium, Warhol a créé un décor où tout semble possible. Valérie Solanas compte en profiter, mais elle attend bien plus que quelques minutes de célébrité. La Factory est déjà un endroit très très bien établi, fréquenté par des collectionneurs, des artistes, musiciens, quantité de gens de la haute société aussi bien, et qui attire aussi l'attention des médias. Alain Cueff, historien de l'art. Sans doute le lieu privé le plus en vue de New York à ce moment-là, et Warhol est l'épicentre de cette faune qu'il a réunie autour de lui. La Factory, c'est à la fois un atelier de peinture, évidemment, c'est aussi un studio de cinéma, c'est un lieu de production des différents magazines qu'il va publier, et puis plus tard, un lieu de production pour le Velvet Underground, auquel ont participé Laurie et les autres. Donc il a déjà une renommée, et il est la figure majeure de cette culture pop. Et au sein de son atelier, la Factory, il a déjà été menacé plusieurs fois. Oui, évidemment, quand un être aussi étrange, aussi provocateur, aussi taiseux suscite autant de bruit, il y a une sorte de contraste hein, entre son apparence presque de mannequin, glacé, de peu de mots, et l'extraordinaire fièvre et intérêt qu'il suscite. Et il est bien naturel que aussi le fait que ses œuvres aient déjà à ce moment-là une certaine valeur sur le marché, ça attire toutes sortes de gens avec des intentions différentes, aussi bien des gens qui veulent s'associer, c'est le cas de Dorothy Podbear. En 1964, quand elle rentre dans l'atelier avec un pistolet et qu'elle une sorte de jeu de mots, Can I shoot the Marilyn? Et Warhol aurait répondu oui, oubliant évidemment que le mot shoot s'appliquait pas seulement à la photographie, mais aussi bien aux armes à feu. Et elle tire dans une série de quatre Marilyn qui vont être connues comme les Shot Marilyns par la suite. Alors, Dorothy Podbear a expliqué qu'elle voulait faire une performance, hein, probablement aussi la volonté de se faire remarquer, d'abord par Warhol et peut-être au-delà par le milieu de l'art new-yorkais. Et puis, il y a un deuxième épisode, 3 ans plus tard, en 1967, où un inconnu fait irruption dans la factory avec un revolver, menace donc aussi bien Warhol que ses proches, avant de tirer un coup dans le plafond et de finir par être expulsé. Et voilà, donc ça, ce sont deux épisodes qui préparent, si j'ose dire, l'attentat beaucoup plus sérieux qui sera perpétré par Valérie Solanas un an plus tard, en 1968. Solanas veut réussir. Warhol a le pouvoir, elle va voir qui a le pouvoir. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça, en fait. Chloé Delhomme, autrice. Et elle dégage une... Sur les photos, elle n'a pas l'air tranquille. Elle a un regard très inquiétant, Solanas. On sent qu'il y a de la némésis et qu'il y a de la revanche. Il y a un gros besoin de revanche chez Solanas. C'est le moteur, vraiment. Et le fait est qu'elle va être broyée par la Factory et Warhol. Mais elle cherche le pouvoir. Donc, elle est fascinée. Elle a un rapport amour-haine à Warhol aussi. Andy Warhol, you know, he was a person who was sort of famously interested in outcasts and weirdos. But she shows up and Andy Warhol était connu pour son intérêt pour les marginaux et les gens bizarres. Quand elle le rencontre pour la première fois, Andy Warhol croit que c'est une flic. Sure, I'm a cop. I'll show you my badge and unzips her pants. Et elle lui répond : Oui, bien sûr que je suis une flic. Tenez, je vais vous montrer mon insigne. Et elle déboutonne son pantalon et lui montre son clitoris. Ils étaient connus pour avoir une relation étrange. Je pense que d'une certaine manière, on pourrait appeler ça de l'amour ou au moins de l'admiration. Andy Warhol était à l'opposé de Valérie, froid, en dehors des réalités. Almost like above reality sometimes. He described feeling like he wasn't. Il décrivait souvent ne pas savoir s'il était vivant ou éveillé. Et là, il rencontre cette femme, au tempérament chaud, agressive et intense, engagée contre les injustices. Different kinds of justice things, and like the two of them are like could not be more opposite, really. Ces deux-là ne pouvaient pas être plus opposés. Ils avaient vraiment une dynamique étrange. And you know, Warhol was pretty famous for exploiting people. Warhol était aussi connu pour exploiter les gens, voler leurs idées et les mettre dans ses films, ne pas payer ses actrices. Il faisait ça constamment. So Valerie's beefs with him were not. First of all, they weren't atypical, and they certainly. Donc les reproches de Valérie n'étaient pas infondés. Valérie Solanas approche Andy Warhol pour lui proposer de produire sa pièce de théâtre « Up Your Ass », qu'on pourrait traduire par « Dans ton cul ». Warhol est d'abord séduit par ce titre qui annonce une œuvre provocante. Pourtant, il ne donne pas suite. Alors qu'elle lui a confié l'unique exemplaire de son manuscrit, il le perd. Il faudra attendre 30 ans pour le retrouver dans une malle de la Factory. On y découvre une comédie à l'image de Valérie, aussi drôle que vulgaire. Pura, c'est une histoire, c'est une pantalonnade. C'est une pièce assez vulgaire qui défonce complètement les jeunes filles bien pensantes, en fait. Il y a, et puis l'ordre établi et le masculin tout puissant, mais il y a surtout des morceaux de bravoure avec une prof d'art ménager. Il y a une charge contre Mademoiselle bien comme il faut. C'est-à-dire que Solanas, le truc, c'est qu'elle s'en prend autant aux femmes qui sont responsables de la situation dans laquelle se retrouve le féminin en général. Elle en a autant après ces femmes-là qu'après les hommes, en fait. Pour elle, les collabos sont à abattre, vraiment. Et c'est une charge contre les deux sexes, du coup. Mais c'est très drôle. Après, il y a beaucoup de blagues sexuelles. C'est des répliques qui sont très, très dans l'oralité, avec beaucoup d'argot. Mais c'est une pièce qui est très, très efficace. The play features a character named Bongi, who is just a wildly genderqueer character. La pièce met en scène un personnage appelé Bongi, qui est un personnage outrageusement queer. Je n'ai même pas les mots pour la décrire. Elle est drôle et en colère. Elle entretient une relation étrange avec des femmes qu'elle appelle des filles à papa. Elle appelle constamment les hommes des crapauds et suggère que les femmes aiment manger les crapauds. Totally foul-mouthed and has all kinds of bizarre sort of characters that, especially if we think about its context of when it was written. C'est très vulgaire. Il y a plein de queers, de drag queens, tout un tas de personnages que même 50 ans après, on n'arrive pas à décrire. Queer and drag queen and gender queer and all kinds of different characters that are kind of hard to even like label now. Il y a eu un certain nombre de Le précédent qu'il est important de rappeler, c'est que Warhol a appris à se méfier d'un certain nombre de gens qui pouvaient vouloir lui causer du tort, hein, en lui proposant des choses au-delà des limites acceptables par la censure. Donc il a rejeté le script de Valérie Solanas au motif à la fois qu'il était dégoûtant, je le cite, et surtout avec la crainte qu'il ne s'agisse là d'une manipulation. Et Warhol dit l'avoir lu et l'avoir par la suite égaré et être incapable de le retrouver quand Valérie Solanas va le réclamer. How do you keep it so squishy? I mean, what do you got, a squishy machine? It gets squeezed a lot, yeah. It gets... Valérie Solanas appelle Warhol quotidiennement à la Factory. Elle est obsédée à l'idée de faire produire sa pièce et souhaite récupérer son manuscrit. Il lui propose alors de jouer dans son prochain long-métrage, I, a Man, un film érotique expérimental qui met en scène les assauts sexuels d'un homme sur 8 femmes. L'une d'entre elles est jouée par Valérie Solanas. La séquence se déroule dans la cage d'escalier d'un immeuble new-yorkais. Dans l'obscurité, on devine le visage de Valérie sous son éternelle casquette en feutre. Dans un échange animé et entièrement improvisé, elle donne la réplique à Tom Baker. L'homme tente avec insistance de se faire inviter chez elle. Elle lui fait comprendre avec malice qu'elle préfère la compagnie des femmes. Oh, I have friends that I met, friends that I love, sure. You think men's sexual? Is that my instinct? I have to follow my instincts. Why? Why? My instincts tell me what to do. That's my all. Instincts tell me what to do. What do your instincts tell you to do now? Same thing your instincts tell you to do. My instincts tell me to let's go upstairs and get together. That's all. No, what your instincts tell you to do? Chicks, chicks, right? Right. My instincts tell me the same thing. Oh, wow. Why should my standards be lower than yours? Au fond, le cinéma de Warhol consiste simplement à diriger des gens ou à susciter des actions de la part d'un certain nombre de personnages devant cette caméra immobile et quelque peu effrayante. Elle est une sorte de témoin impassible, un peu à l'image de Warhol lui-même. Elle est là, fixe, sur son pied, et le monde continue d'exister devant elle. Il y a quelque chose d'un peu pervers de la part de Warhol. Andy Warhol wanted to put her in a movie because he found her to be a very unique and intense character. Andy Warhol voulait la faire jouer dans un film, car il trouvait son personnage unique et intense. Il lui a fait faire des essais et il a tout de suite été fasciné. Classic butch lesbian who talked in like this sort of pressured speech way. She had a very thick, strong New York accent. Il la voyait comme l'archétype de la lesbienne butch. Elle avait ce débit très rapide et cet accent new-yorkais très fort. What she felt about it emotionally, but I know she was angry. On ne sait pas vraiment comment elle a vécu ce tournage, mais elle était très en colère. Elle a fini par comprendre que Andy Warhol n'allait pas la payer et qu'il avait eu l'habitude de ne pas tenir ses promesses, et c'était insupportable pour elle. Andy Warhol n'est pas le seul homme contre qui Valérie Solanas nourrit un profond ressentiment. Durant l'année 67, elle croise la route de Maurice Girodias. L'homme est éditeur, il a fui la France et les nombreux procès qui l'ont mené à la ruine. Et pour cause, il est spécialiste dans le scandale littéraire, éditant des auteurs sulfureux, tels que Henri Miller ou Vladimir Nabokov, dont il fut le premier à éditer le roman Lolita. Valérie Solanas a fini la rédaction de son Scum Manifesto en 1965 et le vend dans les rues de New York. $2 pour les hommes, $1 pour les femmes. Lorsqu'elle rencontre Maurice Girodias, elle pense enfin avoir trouvé un moyen de diffuser son œuvre et être reconnue comme auteur. Ils habitaient tous les deux à peu près au même moment au Chelsea Hotel, qui était donc un hôtel où habitaient beaucoup de gens, un peu de l'underground new-yorkais de cette époque. Juliette Kahan, romancière, fille de l'éditeur Maurice Girodias. Bon, elle écrivait donc depuis toujours et je crois qu'elle lui a proposé le Scum Manifesto. Il a dit non, que ça ne l'intéressait pas, mais en revanche, il lui avait proposé d'écrire pour lui un roman, si elle voulait, et de lui signer un contrat pour un roman. Moi-même, je l'ai croisé à un moment où je visitais mon père. J'étais donc dans cette chambre d'hôtel, et puis il y a quelqu'un qui a frappé à la porte. J'étais toute seule, et donc j'ai vu cette femme qui était habillée un peu de bric et de broc, voilà, qui avait une drôle de dégaine et qui en même temps dégageait quelque chose de très intense parce qu'elle avait un regard particulièrement transperçant. Il y avait quelque chose d'extrêmement, presque un peu inquisiteur dans son regard brillant. Et puis il y avait cette casquette qui lui tombait sur les yeux. Bon, elle m'a un peu impressionnée et puis j'ai raconté cette rencontre à mon père plus tard dans la journée. Il m'a dit « Ah, c'est Valérie ». Dans cette petite phrase de mon père, je sentais qu'il y avait une sorte de... Il y avait de la chaleur, en tout cas, visiblement, je pense que c'était quelqu'un qui l'aimait bien et qu'il avait vraiment une idée que cette femme, même si elle, disons, elle était partagée entre une forme de folie qui allait en se développant de plus en plus et puis un talent littéraire certain, enfin, tout en apparaissant quand même comme un peu étrange et... En tout cas, à cette époque-là, elle n'était peut-être pas très avancée dans la paranoïa. Donc, pour elle, il était voilà, un éditeur qui pouvait la publier. Elle se voyait comme quelqu'un qui devait avoir un succès phénoménal. Donc elle devait attendre de lui une publication qu'il n'était pas forcément à même de lui proposer. Et voilà, et tout a basculé à partir du moment où elle a tiré sur Andy Warhol et où mon père, à ce moment-là, a décidé immédiatement de publier le Scum Manifesto en ayant évidemment en tête la publicité qui était créée par l'attentat contre Warhol. Il a raconté la scène dans Popism. C'est une après-midi d'été, tout va bien. Il revient de déjeuner, il rentre à la Factory avec plusieurs amis. Valérie Solanas fait irruption, très bien habillé. Très maquillé, ce qui, note Warhol, est exceptionnel de sa part. Et tout d'un coup, Valérie Solanas sort un revolver et vise Warhol. Donc elle a évidemment préparé son attentat, ou en tout cas elle a pensé à la succession des gestes qu'elle allait accomplir. Et elle n'hésite pas une seconde, tout ça semble s'être déroulé de façon très rapide. Elle le vise et Warhol a juste le temps de lui dire « Non, Valérie, ne fais pas ça. » Elle va tirer plusieurs fois. Les médecins vont diagnostiquer que la balle de calibre 32 a traversé l'estomac, le foie, la rate, l'œsophage et les poumons, gauche et droit. Donc ce sont une série de blessures sérieuses. Il est passé très près de la mort. Et il va évidemment, sinon s'identifier, ou en tout cas penser au fait qu'il est revenu d'entre les morts. Il a ressuscité. Si on accepte d'être cynique pendant une seconde, c'est une chance extraordinaire que d'avoir été révolvérisé par Valérie Solanas. Pour lui, c'est le couronnement de la mythologie à laquelle il a œuvré depuis toujours. Mais il n'en reste pas moins qu'il y aura des conséquences dramatiques. D'abord, il va être obligé de porter un corset, il va être obligé de se surveiller, de faire attention à lui pendant presque jusqu'à la fin de ses jours. La sécurité va être renforcée, des portillons vont être mis en place, une atmosphère qui va changer, qui va devenir beaucoup plus sombre. Le début des années 60 était des années d'insouciance, de liberté et d'accueil à la Factory. Et tout d'un coup, il s'agit de se protéger. Donc évidemment, ça tue un peu l'ambiance. Et cet épisode va renforcer son lien déjà étroit à la religion et au culte catholique. Et Warhol s'est vécu comme une sorte de Lazare, comme un survivant, peut-être comme un revenant, ce qui explique son apparence de plus en plus fantomatique, avec les perruques successives qui devenaient de plus en plus aériennes. Il est là sans y être, et il n'est au monde que dans le refuge de son hôtel particulier, loin de la foule déchaînée. Méditant dans cette chambre étonnante, un univers totalement à l'opposé de ce qu'on pouvait voir à la Factory, avec un lit à baldaquin, des tableaux religieux, des bougeoirs, des tapis, une atmosphère, disons, bourgeoise. Ça montre à quel point Warhol était double et à quel point il pouvait bien masquer son jeu. Peu de gens étaient admis dans son hôtel particulier. Peu de gens avaient idée de la religiosité de cet homme-là. Il s'est employé à la masquer pendant une bonne partie de sa vie, et puis vers la fin, c'est quelque chose qui est apparu comme une sorte aussi de tribut payé à sa survivance pendant 20 ans. Andy Warhol, after Valerie Solanas shot him, he never pressed charges, and when asked why not, après qu'elle lui tire dessus, il ne porte pas plainte. Il se justifie en disant « Je ne peux pas porter plainte contre quelqu'un qui agit selon sa nature. C'est dans la nature de Valérie, alors comment pourrais-je l'en vouloir ?» Alors qu'il est terrifié pour le restant de ses jours et qu'il a failli mourir, il considère malgré tout que cet acte fait partie du personnage de Valérie et il lui pardonne assez facilement. Je dois avouer que juste me dire qu'elle a un rapport à Mourenne me suffit, parce que j'ai pas envie qu'elle soit complètement victime de Warhol, comme j'ai pas envie qu'elle soit complètement son bourreau non plus. C'est pourtant la conclusion, mais c'est presque un épiphénomène dans mon rapport que j'ai à Solanas, l'histoire de Warhol. Ce qui est absurde, parce que c'est par Warhol qu'elle s'inscrit dans l'histoire, que le matin de ce qu'elle espérait être un meurtre, elle va dans une maison d'édition pour proposer son manuscrit et elle dit à la secrétaire « De toute façon, vous serez obligé de le prendre parce que je vais assassiner Andy Warhol tout à l'heure. » Donc elle est complètement tranquille dans sa préméditation et son inscription dans la grande histoire. Mais pour moi, c'est un outil promotionnel pour le SCUM. Le SCUM a été écrit avant, le SCUM est indépendant. C'est tellement plus simple de se dire, voilà, ce texte qui est d'une violence rare, qui est quand même peut-être, je pense, le texte le plus violent, le texte féministe le plus violent qu'on ait. Ce texte a été écrit par une maboule qui a sorti une arme pour tirer sur le plus grand génie de l'histoire de l'art. C'est facile. Et ça atomise complètement le propos du SCUM. Parce qu'encore une fois, elle a tiré sur Warhol pour que le SCUM soit entendu. Valérie Solanas, fin du premier épisode dans l'ombre d'Andy Warhol, avec Brian Faz, Chloé Delhomme, Juliette Kahan et Alain Cueff. Merci à Lila Bozès, Pierangelo Zavaglia et Claire Izedine. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Anna Baron et Vincent Deck. La suite de l'histoire de Valérie Solanas et d'Andy Warhol, ce sera demain à 13h30. Mais pour l'instant, 14h, c'est l'heure d'aller au cinéma avec Antoine Guillot.